le silence mélodieux des cieux sur son croissant de lune haut perché pour tenir les étoiles éveillées. Jack, Jack, Jack joue du banjo, assouvi de sa propre lumière, buvant des yeux le bleu du clair de terre, et sur les lèvres son rayonnant sourire. Jack, Jack, Jack banjo, ses souvenirs. Pendant que l'écho de sa musique fait encore vibrer les cordes cosmiques, sur son croissant de lune hissant les voiles, Jack, Jack, Jack part à la pêche aux étoiles. À haute marée de sa mémoire, remontant la rivière de son histoire, faisant mélodie du nom de ses amis, Jack, Jack, Jack, pour chacun, pêche l'infini. Qui un jour a aimé, qui un jour fut aimé, pour toute l'éternité, ne peut pas l'oublier. La dérive de ses rêves, quand monte la sève du désir, que de détours, que de détours, avant de revenir au lit de ses amours, chacun est le vibrant écho ou le pâle reflet de la lumière de ses amis. De chair ou d'esprit, parti pour l'éternel repos, pour l'éternelle paix. Même si une seule personne nous a aimés vraiment, même si on a aimé qu'une seule personne vraiment, il aura bien valu la peine et le plaisir d'exister ensemble. Qui un jour a aimé, qui un jour fut aimé, pour toute l'éternité, ne peut pas l'oublier. Dans l'autre vie, la vie est infinie, rien ni personne ne meurt. Cœur de l'éternité, nul ne peut oublier, car l'amour est toujours l'écho, l'écho, l'écho de l'amour.